Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur le 107 FM. Aujourd'hui, on est vendredi et qui dit vendredi dit billet de sortie. Comme d'habitude, florilège d'annonces d'événements à venir dans le secteur pour le week-end et un petit peu la semaine prochaine. Quelques interviews par téléphone et forcément des musiques choisies avec soin pour vous. D'ailleurs, le premier morceau qu'on va s'écouter sans plus attendre, c'est Love Me Tender d'Elvis Presley et on se retrouve juste après. vous avez entendu Love Me Tender d'Elvis Presley, première musique de ce billet de sortie qui peut débuter avec la rubrique utilitaire. On va débuter comme d'habitude avec le don du sang. L'établissement français du sang se trouvera le samedi 8 décembre de 8h30 à midi à la salle des fêtes de Darnay. Puis mardi 11 décembre de 16h à 19h30 à la salle polyvalente du Le Tolly. Le 11 décembre aussi de 16h à 19h30 à la salle Jeanne d'Arc de Pouxeux. Puis mercredi 12 décembre de 15h30 à 19h30 à l'espace Dorothée du Val d'Ajol. Pour clôturer la semaine, l'établissement français du sang sera le vendredi 14 décembre de 16h à 19h30 à la salle des fêtes de Busson. Et pour ceux qui veulent avoir un petit peu plus d'informations, n'hésitez pas à passer par leur site www.dondusang.net. Il y a une association qui propose un loto, une association de moto, Vosges Moto Évasion, et j'ai eu Caroline en interview par téléphone. Je vous laisse avec l'interview que j'ai faite avec elle un petit peu plus tôt dans la journée. Amateur de loto, ce week-end il y a à Saint-Nabor un loto organisé par l'association Vosges Moto Évasion, pardon. Et pour en savoir plus, j'ai Caroline au téléphone, secrétaire de l'association. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors, vous pouvez décrire en quelques mots l'association Vosges Moto Évasion ? On est une petite association de 10 membres qui organise des randonnées en moto. Et pour financer les randonnées à Rally Moto, on organise chaque année un super loto. Ça fait combien de temps que vous faites ces super lotos ? Ce super loto, c'est le premier à Saint-Nabor. Auparavant, il était à Ramonchamp. Ah, et à Ramonchamp, vous en avez fait combien ? En tant que membre, c'était mon troisième. On a changé le siège et on a essayé de se rapprocher de Saint-Nabor pour avoir pour des facilités logistiques et puis essayer de rayonner au maximum. Ça se comprend. D'ailleurs, l'association Vosges Moto Évasion existe depuis combien de temps ? Depuis plus de 10 ans. Ah oui, elle est bien installée alors. Oui. Et comme vous l'avez dit, vous proposez un loto le samedi 8 décembre 2018. Donc c'est demain pour ceux qui m'écoutent le vendredi et aujourd'hui même pour ceux qui m'écoutent dans les rediffusions du samedi. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme lot à gagner ? Parce que qui dit loto dit forcément cadeau. On a un super voyage d'une semaine pour deux en pension complète sur la Costa Brava. Ah bah dis donc, ça c'est le plus gros lot. Tout à fait. On a essayé de faire au mieux et son voyage nous a aidé à organiser cela. Et vous avez d'autres lots, je crois. Tout à fait, on a un ordinateur portable, oui. On a un blender, une télé 4K, une tireuse à bière par exemple. Ah oui, plein de lots en tout genre qui peuvent s'avérer utiles. À quelle heure, déjà, où est-ce que ça va se passer ? Ça se déroule au Centre socioculturel de Saint-Nabor. Oui. On ouvre les portes à 19h et les jeux commencent à 20h30. D'ailleurs, qui dit jeu dit prix d'entrée à payer. À combien cela va-t-il s'élever ? Alors, on ne fait pas de prix d'entrée, on fait prix au carton. Oui, excusez-moi. 4 euros le carton, 15 € les 4 et 20 € les 6. Et comme vous le disiez, tous les bénéfices iront à l'association pour... pour financer vos autres randonnées, vos autres promenades. Tout à fait. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que vous avez une page Facebook ou un site internet que les auditeurs puissent voir un petit peu ce que vous faites ? On a une page Facebook qui est intitulée Vosges Moto Évasion, tout attaché et au singulier, et vous pouvez nous trouver très facilement. Fantastique. Là où on peut vous trouver, comme vous l'avez dit. Je ne sais pas s'il y en a autre chose à dire aux auditeurs. Il y aura, j'imagine, à boire et à manger sur place. Tout à fait. On fait une petite restauration sur place avec une buvette. Et s'ils veulent réserver, on a un numéro pour réserver qui est le 06 30 97 12 83. Ils ont d'ailleurs... Oui. pardon. Il est possible aussi de venir sans réservation. On vous accueillera avec plaisir. Ah, c'est important de le préciser. Alors, pour le loto de l'association Vosges Moto Évasion, le 8 décembre, au Centre Socioculturel de Saint-Nabor, ouverture des portes, comme vous le disiez, Caroline, à 19h et début des jeux à 20h30. Ça promet, j'en suis sûre, d'être une belle soirée en perspective pour vous. Merci bien. On vous accueillera avec plaisir. C'est gentil. En tout cas, Caroline, beaucoup de courage pour samedi soir. Et puis à bientôt, j'espère, à l'antenne. Merci. À bientôt. Savez-vous que Radio Guimauzo est une radio associative, non commerciale, libre et indépendante? Alors pour soutenir notre radio, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook. En haut à droite, un petit bouton bleu, faites un don via la plateforme de LOASO. Don déductible des impôts, donnez ce que vous voulez à partir de 2 euros. Toute l'équipe de Radio Guimauzo vous dit merci. Merci! Merci! Merci! Merci à tous! Merci! Merci. Et la première rubrique de ce billet de sortie touche déjà à sa fin. On va écouter un deuxième morceau. Il s'agit de Divine de Maud Lubeck, album qui sortira le 7 janvier 2019. Bouger, je ne peux plus bouger, bouger d'un cils, bouger serait un crime. Bouger, cligner des yeux, je ne veux, je ne peux me sortir de ses yeux. Divine, divin hasard qui m'a conduit ce soir à son regard. Divine, si précieux, je ne veux, je ne peux me sortir de ses yeux. C'était Maud Lubeck pour son morceau Divine, tiré de l'album Divine, qui sortira le 7 janvier dans les bacs. Vous êtes toujours dans le billet de sortie. Et on va exceptionnellement changer une rubrique de place. Et oui, il s'agit de la rubrique Manifestation, Conférence, Rassemblement. On va commencer avec le vendredi 7 décembre, c'est pour ça que je vous le dis de sitôt. C'est un rassemblement Nous voulons des coquelicots le 7 décembre, je vous dis, donc ce soir à 18h30 sur la place de la mairie de Vanier. Mais ils ne seront pas que là, ils seront à Saint-Dié le même jour à 18h devant la mairie. pour ceux qui nous écoutent, dépêchez-vous. À Épinal, à 18h aussi, rue de la Basilique. Puis aussi à Vanier, Gérardmer et Charme, les vendredis, donc 7 décembre, donc aujourd'hui à 18h30. Ils seront d'ailleurs à Saint-Étienne-lès-Remiremont, ça nous intéresse un peu plus, c'est plus proche, le samedi 8 décembre au magasin Leclerc de 14h à 16h, à l'extérieur, près de l'entrée. Et en ce qui concerne la semaine prochaine, ils annoncent déjà un rendez-vous le 13 décembre à 18h à Vittel. Venez nombreux pour participer activement au débat le 13 décembre à 18h au Palais des Congrès. Pas d'inscription préalable, par contre, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez passer par l'adresse mail collectifo88@gmail.com. Et par souci d'économie et d'écologie, ils nous suggèrent de covoiturer. Je rappelle, les coquelicots, le mouvement Nous voulons des coquelicots, lance un appel sur le site nousvoulonsdescoquelicots.fr. Une grande pétition pour faire interdire tous les pesticides en France. Alors si ça vous intéresse et pour avoir d'autres informations, pardon, je vais y arriver, rendez-vous sur leur site, donc nousvoulonsdescoquelicots.fr ou sur leur page Facebook Nous voulons des coquelicots. L'Union des Gilets jaunes des Vosges et de Meurthe-et-Moselle appelle au rassemblement le samedi 8 décembre, avec au programme rendez-vous à 10h au Champ de Mars d'Épinal, marche jusqu'à la plage des Vosges et arrêt de 15 minutes devant la préfecture, puis départ d'Épinal à midi, direction Dom Rémy La Pucelle, arrivée prévue pour 13h30. Rassemblement là-bas jusque 15h. Il propose d'ailleurs de penser à prendre des sandwichs, des boissons, des banderoles et c'est possible d'ailleurs pour ceux que ça intéresse de rejoindre le rassemblement des Gilets jaunes, je disais, en cours de route. Pour en savoir plus, il y a les pages Facebook, enfin il y a beaucoup d'informations sur Facebook, alors allez-y. Dans le cycle 2018-2019 des conférences de l'UCP de Nancy, Université de la Culture Permanente, il y a tous les lundis à 14h45 au Centre Culturel Gilbert Zouk une conférence. Le lundi 10 décembre à 14h45 précise, la conférence s'intitulera « La vie d'Anne-Charlotte de Lorraine, abbesse de Remiremont et de Mons, de 1761 à 1773, vue par sa correspondance avec son ami Gabriel de Bouzé ». Cette conférence est donnée par Monsieur Jean-Paul Rothiot, maître de conférence honoraire pour l'Université de Lorraine. Dernière information un peu vague malheureusement, mais si vous vous souvenez, Pierre-Olivier Poyard du mouvement de la paix des Vosges avait annoncé qu'il y aurait le lundi 10 décembre un café débat à Saint-Dié. Le thème est-il possible d'imaginer une transition écologique sans transition pacifique ? J'ai pas encore réussi à joindre Pierre-Olivier, mais vous savez quoi ? Dès que j'ai l'information, je la fais passer directement sur notre page Facebook, car après tout, un monde en paix, c'est très très important. La musique suivante qu'on va s'écouter, vu qu'on va déjà changer de rubrique, il s'agit de La fille du Père Noël de Clara Luciani, qui sera en concert très bientôt à La Souris Verte. Rendez-vous à la rubrique Musique pour en savoir plus, mais en attendant, on s'écoute Clara Luciani. Par hasard. les enfants. C'était Clara Luciani pour son morceau La fille du Père Noël. Vous êtes de retour dans le billet de sortie et cette fois dans la rubrique culture. On va commencer avec l'exposition de la Bresse, les photomontages surréalistes de Jacques Struss avec un regard doux, amer sur la vie actuelle, en particulier les réseaux sociaux et les photographies de Christophe Claudel qui ont lieu d'ailleurs, dépêchez-vous, jusqu'au 14 décembre. C'est une exposition intitulée Animalement Vosges et ce sont des photos très intimistes sur la faune et la flore de la forêt vosgienne. Mais si vous voulez les horaires de la Maison de la Bresse, c'est du mardi au vendredi de 15h à 18h et les samedis dimanches de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h. La Maison de la Bresse est fermée le lundi, mais d'ailleurs, dans tous les cas, l'entrée pour cette exposition est gratuite. Charles de Bruyère invite « Quand l'art contemporain rencontre l'art ancien ». Depuis le 23 novembre et jusqu'au 19 mai 2019, 15 artistes contemporains, peintres, sculpteurs et photographes feront communier le présent et le passé à Remiremont. Une expérience originale, un rendez-vous d'exception. La culture est à l'honneur au sein de la Belle des Vosges. En témoignage, cet événement d'ampleur qui devrait étonner par son caractère novateur et séduire par la diversité des styles présentés. Organisé par l'association culturelle et artistique Entrevoir, Charles de Bruyère Invite est une exposition originale qui durera près de 6 mois puisqu'elle s'achèvera lors de la Nuit des Musées le 19 mai 2019. 15 artistes contemporains, peintres, sculpteurs et photographes s'approprieront chacun une œuvre du musée Romary-Montin et la transposeront dans leur propre univers afin d'exposer en miroir leur propre création. Ce sera au musée Charles de Bruyère et l'entrée coûte 4 euros. D'ailleurs, à propos du musée Charles de Bruyère, il y a un autre événement qui a lieu ce week-end. Pour en savoir plus, j'ai Jonathan en phoneur. Alors je vous laisse avec l'interview que j'ai faite avec lui. Toujours avec le musée Charles de Bruyère qui propose un autre événement un petit peu plus ponctuel. Il s'agit de un Noël chez Charles et pour en savoir plus, j'ai Jonathan Visser au téléphone. Bonjour Jonathan. Bonjour Lou, bonjour tout le monde. Alors dis-moi, en quoi ça consiste cet événement un petit peu plus ponctuel cette fois ? Alors oui, comme tu dis, c'est un événement ponctuel. Il s'agit d'une visite guidée. Que je vais essayer d'institutionnaliser et de mettre en place ça à chaque Noël. Et donc je vais faire cette visite guidée le 9 décembre prochain, donc ça tombe dimanche prochain, et le 22 décembre. Donc le thème de la visite est secret, hein. Justement le but c'est de faire un thème autour de Noël, mais qui n'est pas totalement dévoilé au public, et puis après c'est un peu la surprise sur place, donc si vous êtes intéressé, venez me rencontrer au musée Charles de Bruyère, donc dimanche prochain ce sera à 16h au musée Charles de Bruyère. J'imagine que si c'est en plus à un moment précis, il y a peut-être un nombre maximal de personnes pour participer à cette exposition, enfin, ou pour en bénéficier. Non, Non, non, c'est vraiment libre. Donc, tous ceux qui sont intéressés peuvent venir. On n'a pas de réservation. Il suffit juste de se présenter à l'accueil du musée, de demander de participer à la visite guidée, de s'acquitter du tarif, et puis tout va bien. On a quand même une capacité d'accueil qui n'est pas négligeable. En parlant, tu as parlé de tarifs. Oui. De combien le tarif s'élève-t-il ? Alors, il s'agit de 6 euros, donc ça correspond aux 4 euros des droits d'entrée du musée et de 2 euros pour la visite guidée. Sachant que ceux qui sont munis du pass Lorraine ont un tarif préférentiel sur l'entrée du musée qui passe dans ce cas-là à 2 euros, ce qui leur ferait pour eux 4 euros. Et gratuit, évidemment, pour les jeunes de moins de 18 ans et les enfants. D'ailleurs, combien de temps dure cette visite spécifique ? Alors, elle dure 1h30. Et donc, 1h30, ça peut paraître long, mais en fait, ça passe très très vite. Puis, vous allez voir, on va aborder pas mal de choses. Ça va être très amusant. Enfin, en tout cas, je vais essayer d'en rendre la chose très amusante. Et puis, il y aura quelques petites révélations, justement, sur Noël. Donc, attention aux enfants. Si des enfants viennent et qu'ils croient encore au Père Noël, ils risquent d'avoir quelques révélations un peu difficiles. Donc ceux qui ne sont pas prêts, bah, ne venez pas. Et puis tous ceux qui sont intéressés par le sujet et qui sont curieux, et bien, venez, vous êtes tous les bienvenus. En effet, donc ça s'adresse à un public quand même un minimum averti sur Noël, hein, pas spécialement un public adulte pour contenu explicite, mais voilà, pour la question qui concerne exactement les enfants, en imaginant que les enfants n'écoutent pas le billet de sortie. mais dans tous les cas, oui, on peut te retrouver au musée Charles de Bruyère dimanche 9 décembre et dimanche 22 décembre à 16h. C'est ça. Pour c'est un ça. Tarif de 6 euros. Je pense qu'on a tout dit, à moins que tu aies des informations supplémentaires à transmettre aux auditeurs. Ah bah écoute, non, je crois que tout est dit. Puis comme le thème est un peu surprise, je ne peux pas trop en dire non plus. Hein. Donc vous verrez, je vais vous donner un petit indice. Il y aura en plus de Noël, Saint-Nicolas, évidemment. Donc ce sera raccord avec ce qui se passe en ce moment au niveau des festivités. Ah, d'ailleurs, dernière information, ceux qui viennent te voir le 9 et qui ont bien apprécié, s'ils viennent le 22, ils auront la même prestation ou ils auront autre chose ? Alors ce sera le même thème, mais je ne fais jamais dans mes visites guidées exactement la même prestation. Et je me garde toujours, on va dire, une marge un peu d'improvisation. Moi, je n'ai de scripté en fait que vraiment le contenu, l'information. Mais pour le reste, la présentation après, c'est vraiment changeant et je m'adapte un peu aux situations et au public, hein, parce que si j'ai beaucoup d'adultes ou plutôt beaucoup d'enfants, évidemment que je vais m'adapter en conséquence pour que tout le monde puisse en profiter, que ce soit agréable pour tout le monde. Bien et sûr. Puis je rajouterai peut-être une dernière chose, puisque tu me le permets, que ce genre de visite guidée thématique, ça va se reproduire, parce que là j'en fais à l'occasion de la Saint-Nicolas et de Noël, mais je vais en faire d'autres au cours de l'année, pas forcément pour des occasions particulières, juste comme ça, pour plaisir, avec des thèmes qui seront communiqués par Facebook ou alors par voie de presse ou sur le Facebook de la ville. Et puis des thématiques qui seront diversifiées, qui seront, on va dire, très changeantes en fonction un peu de mes humeurs. Et puis, du coup, je vous invite aux auditeurs, à vous auditeurs, de vous tenir informés. Si vous êtes intéressés par les musées et ce qui s'y passe, les musées sont en train de bouger de plus en plus. Et puis de vous informer pour ne pas louper les visites guidées et ne pas louper un thème qui pourrait vous être cher. Voilà. Très bonne nouvelle. D'ailleurs, si on veut pouvoir te suivre, est-ce que le musée Charles de Bruyère a un Facebook ou ça passe par le Facebook de la ville de Rouen ? Alors, les pages Facebook du musée Charles de Bruyère et même du musée Charles Ferry, parce que les deux musées font partie de la même institution, sont malheureusement des pages Facebook non officielles. Donc, il ne faut pas se fier à ces pages-là. Par contre, vous pouvez suivre les nouvelles des musées par la page officielle de la ville. Ça, il n'y a aucun souci. Et un site internet pour le musée ? Alors, pour les musées, c'est le site internet de la ville, donc www.remiremont.fr. Il faut aller dans la section culture et musée. Ah ben, super, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je rappelle, Jonathan, qu'on peut te rencontrer les 9 et 22 décembre à 16h au musée Charles de Bruyère pour le prix de 6 euros, mais pour C'est pas une exposition, ça y est, j'ai perdu le mot. Pour... C'est une visite guidée. Merci, une visite guidée thématique. Visite thématique, tout à fait. Autour de Noël. Dans ce cas, Jonathan, bon ben beaucoup de courage pour les visites guidées, je vais y arriver. Ouais, merci. Et puis à bientôt pour de prochaines nouvelles. À très bientôt et merci à toi pour l'invitation. Et la rubrique culture touche déjà à sa fin. On va s'écouter un nouveau morceau. Il s'agit de Anéanti de Drex. Drex qui a d'ailleurs sorti son album il y a bientôt une semaine, je rappelle, le samedi 1er décembre. Donc c'est Anéanti de Drex et on se retrouve juste après. Je fais des rêves en traumatiser les démons. Je fais des rêves en traumatiser les démons. Je fais des rêves en traumatiser les démons. Navigant dans le cœur de la douleur, c'est gerbant. Quand je me réveille, je mets un temps pour me dire c'est bon. La vie manque d'ampleur, je veux de la couleur sous jour beau. Je suis sage que quand je dors et encore. Parfois je prends des drogues dans mon sommeil. Je me sens bien quand on opère par minute. J'attends de mort et tant de porc gornu. Sur le gâteau pédo mondial, la France est une part garnie. Je veux pas de guerre, non. Mais je veux pas non plus refuser de l'avoir comme la plupart. Posé dans le plus marre, on n'est pas les plus mûrs. Lâche un peu ta blé, meurs, nettoie bien tes plaies. Pleure par Eman, on t'aime. René ma team. On met des fonces, défonçant vers le verre. Et le verre de blond de pierre. On ne cherche pas à faire ce que l'on ne peut faire. Donc viens pas nous faire chier avec tes vous devriez. Vos coups devriez formaté à la piste. T'as vu, faut pas grand chose pour vous éclater sur la piste. Ton rap de chicha de merde, saveur, ventre glisse. Ce que vous voyez n'est pas ce que ces gars montrent classe. Ces maîtres glissent leur queue dans vos écrevisses. Creuse les crevasses dans les oreilles des jeunes sans culture. Tu crois que Maître Gims est libre dans son écriture? Ça fait bien longtemps qu'il est du côté de ceux qui prêchent le vice. Trop de conspiration et je manque de discernement. Les mystères me hantent, je veux les percer fermement. Jamais je la ferme, non, la forme anéantie par ma flemme me te prend guignol. Grand guignol. Je perds le temps. J'arrête de pignoler. J'ai des trucs à pignoler. Mais je vous en prie au pire. Dans ce monde où tu peux rigoler. J'arrête de pignoler. J'ai des trucs à pignoler. Mais je vous en prie au pire. Dans ce monde où tu peux rigoler. J'arrête de pignoler. J'ai des trucs à pignoler. Mais je vous en prie au pire. Dans ce monde où tu peux rigoler. J'arrête de pignoler. J'ai des trucs à pignoler. Mais je vous en prie au pire. Dans ce monde où tu peux rigoler. Et c'était Drex pour son morceau Anéanti. Vous êtes de retour dans le billet de sortie, dans la rubrique rubrique sortie. Tiens, on va commencer par le parc de Westerlin qui ouvre à nouveau ses portes pour l'hiver. Il y a 19 soirées du 1er au 30 décembre 2018 de 17h à 21h. Laissez-vous séduire par la douceur des lumières, des contes et des traditions de Noël. Lors d'une scintillante nuit d'hiver, vivez un moment unique en Alsace entre partage, convivialité et rêve. Le thème ? Dorothée et le magicien d'Oz. Laissez-vous séduire, je disais, par la douceur des lumières et suivez la courageuse Dorothée dans son périple fantastique au pays d'Oz et rencontrez les personnages généreux et farfelus en quête du bonheur. Vous traverserez des paysages colorés et ferez la connaissance du légendaire magicien. Mais exaucera-t-il vos vœux les plus chers ? À la lumière des bougies et des lanternes, laissez-vous porter par une aventure étonnante, débordante de bonté, de poésie et d'émotion. Les horaires, je le disais, Noël au jardin, c'est de 17h à 21h. La durée de la balade de Noël au jardin, c'est 1h et un départ toutes les 15 minutes. Sinon, les horaires du musée textile, vu que les billets donnent accès au jardin et au musée textile. Les horaires du musée textile, je disais, sont de 10h à 20 à midi, puis de 14h à 21h. Les tarifs, donc pour un adulte, c'est 10€, pour un enfant de 6 à 8 ans, c'est 5€, et c'est gratuit pour les moins de 6 ans. Et puis c'est tout, c'est pour Westerlin, pour la magie de Noël qui s'opère de l'autre côté du col de Buisson. C'est bientôt la Saint-Nicolas. Ce 8 décembre, à partir de 17h15, le départ du défilé se fera en bas de la rue Charles de Gaulle qui sera entièrement remontée jusqu'aux volontaires. Puis il passera rue de la Xavée, place de l'Âtre de Tassigny, rue de la Carterelle, place Henri Huttard et place de Mesdames. Miss Vosges remettra les clés dans le jardin des Olives. Le défilé se poursuivra rue des Prêtres et rue Charles de Gaulle avant dislocation dans la rue Paul Doumer. Ce défilé comprendra 8 chars, un tableau et 5 groupes musicaux dont 3 folkloriques. Miss Vosges et 2 dauphines prendront place sur le premier char. D'ailleurs, c'est une première pour l'équipe locale du Secours catholique de Remiremont, vu que c'est elle qui est à l'organisation d'un marché de la Saint-Nicolas pour ce même samedi 8 décembre de 10h à 16h au Grand Jardin. Il y a bientôt à Nancy une expo vente de produits de l'Est de l'Asie d'une association Solimal, c'est au profit des peuples de l'Himalaya. Et pour en savoir plus, j'ai eu en interview Alexandra qui nous en dira plus à ce sujet. Toujours dans la rubrique culture, il y a ce week-end, ou non, très bientôt, pardon, du 14 au 16 décembre, une expo vente à Nancy, organisée par l'association Solimal. Et pour en savoir plus à ce sujet, j'ai Alexandra Antoine au téléphone. Bonjour Alexandra. Bonjour Lou. Alors, dites-moi, qu'est-ce que déjà l'association Solimal ? Il me semble pas qu'elle soit déjà passée sur notre antenne. Alors, c'est une association qui, comme son nom l'indique, aide les peuples de l'Himalaya, Solidarité Himalaya, voilà ce que ça veut dire Solimal. Et donc, nous aidons les réfugiés tibétains en Inde et au Népal, ainsi que des ethnies au Népal de confession bouddhiste et d'autres confessions aussi, qui ont besoin d'aide parce que c'est souvent des zones très reculées et peu développées. Comme vous l'avez dit, oui, c'est des zones reculées, développées. Vous avez parlé de bouddhistes spécifiquement. Est-ce que cette population est aussi victime d'une discrimination en particulier ? Non, pas spécialement. La cohabitation entre hindouisme et bouddhiste se passe assez bien au Népal et en Inde. Mais les réfugiés tibétains ont quand même de plus en plus de mal au Népal à s'intégrer. Les lois sont de moins en moins favorables pour eux. Dans quelle mesure ces lois sont moins favorables pour eux, comme vous dites ? Eh bien, il leur faut, quand ils sont réfugiés récents, en fait, le gouvernement ne veut plus leur délivrer de documents. Et s'ils n'ont pas ces documents, ils ne peuvent pas avoir accès facilement à un travail ou passer le permis de conduire, des choses comme ça. Donc, c'est très compliqué pour ceux qui arrivent ces dernières années. Et votre association, l'association Solimal, elle est d'ailleurs assez développée dans l'Est de la France, je crois. Oui, on a un bureau à Strasbourg et des antennes locales à Besançon, Dijon, Reims. Et vous êtes de l'antenne de Nancy. Oui. Et justement, comme on parle de Nancy, si je suis au téléphone avec vous, c'est parce qu'il y a une expo-vente du 14 au 16 décembre à Nancy, à la salle Mienville, si je ne me trompe pas. Oui, donc c'est le week-end prochain. Et donc nous organisons une expo-vente chaque année. La mairie de Nancy, l'hôtel de ville, nous prête une salle. Et c'est l'occasion pour nous de faire connaître nos associations, d'échanger avec les gens sur les parrainages, les voyages que nous organisons, mais surtout de récolter des fonds par l'intermédiaire de la vente de thé, d'encens, de bols tibétains, de vêtements, de bijoux, qui serviront à financer des projets de développement dans des villages au Népal. Cette année, les recettes serviront à financer un projet de plantation d'arbres dans le Langtang, région qui a été très touchée par le tremblement de terre de 2015 et aussi par des glissements de terrain à la mousson. Et puis, il y a aussi un autre projet, il faut financer le déplacement d'un village dans le Mustang. À cause du réchauffement climatique, les ressources en eau ne sont plus suffisantes pour les villageois et il faut qu'ils, entre guillemets, reconstruisent leur village plus bas dans la vallée pour avoir suffisamment d'eau. Ah oui, donc en effet, cette population a vraiment besoin d'aide. Comme vous l'avez dit, c'est une expo-vente d'objets originaires du Tibet, objets spécifiquement... Du Népal et de l'Inde essentiellement. Ah oui, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Tibet. Parce qu'il y a par exemple des tapis qui sont fabriqués par des réfugiés tibétains au Népal. Voilà, donc y a des objets tibétains aussi, mais pas forcément qui viennent du Tibet directement. Objets d'art et d'artisanat, et aussi objets quelque peu spirituels, quand vous avez parlé de bols. Oui, oui, des bols tibétains, des moulins à prière, des choses comme ça. Et puis, il y a des choses plus classiques pour ici, des bijoux, du thé, pour faire des... C'est des bonnes idées pour les cadeaux de Noël, en fait. C'est pour ça qu'on fait ça à cette période. Il y a des châles aussi en soie ou en pashmina, des choses comme ça. C'est important de le préciser, ces cadeaux sont équitables aussi. Oui, oui, la plupart des fabricants, donc, je ne sais pas s'ils ont tous le label, mais en tout cas, c'est fait là-bas avec, dans le but de faire travailler aussi les gens locaux, quoi. Et puis, il y a aussi pas mal de choses en papier de riz, parce qu'ils cultivent du riz, et avec les déchets, ils font de la pâte à papier. Et d'ailleurs, alors on a parlé de l'expo-vente, enfin de la vente surtout, mais pas de la partie exposition, pardon. Est-ce qu'il s'agit d'une découverte des populations locales, ou c'est encore autre chose ? Disons que tout est mêlé, c'est exposition, il y a des masques, il y a des choses comme ça, il y a des choses qu'on peut acheter, il y a des photos et des albums des gens de l'association qui sont allés déjà là-bas plusieurs fois. Il y a des panneaux qui expliquent nos actions. Des vidéos ou des photos qui passent, des choses comme ça. Tout plein de choses, comme on le disait, donc c'est du 14... Et puis c'est l'occasion... Oui. Non, je vous en prie. C'est l'occasion d'échanger justement sur les parrainages, sur les actions, sur les voyages. On organise des voyages et des chantiers solidaires aussi. Donc tout ça permet aux gens d'avoir des informations sur ces chantiers, ces voyages, s'ils sont intéressés. Et dans ce cas, si les auditeurs sont intéressés, cette expo-vente a lieu du 14 au 16 décembre 2018 à la salle Mienville de l'hôtel de ville de Nancy. Dernière information, Alexandra, y a-t-il un prix d'entrée à payer ? Non, l'entrée est totalement gratuite. Ah, c'est fantastique ! Donc, avis aux auditeurs intéressés par la culture orientale bouddhiste, pour faire court, oui. Eh bien, allez à Nancy. Merci beaucoup merci de votre soutien et de votre aide. Mais je vous en prie, Alexandra, et merci pour votre travail. Continuez, et il en faut encore des associations comme ça. Bon courage et bon merci week-end. Merci beaucoup. Au revoir, bon week-end. Oui. Au revoir. Et la rubrique touche déjà à sa fin. On va se retrouver après une pause musicale. En attendant, c'est Duel Palma Pop pour le morceau L'heure de gloire. Elle file avant qu'on puisse l'attraper, se faufile comme une reine de gouttière. De la piste, elle se déhanche. Nos visages aimantés font d'elle une bête. Les pétards et les spots lui dessinent des yeux noirs, et moi je me réfugie près du bord. Emmène-moi loin, le plus loin d'ici. Viens, on quitte la ville. Viens, on se tire. Passer sans rien dire, j'ose rien dire du tout. J'attends le signal. Je t'ai croisé plusieurs fois dans la rue. Toi, tu fais quoi par ici? Elle me flingue. Les pétards et les spots lui dessinent des yeux noirs, et moi je m'agrippe. Je m'agrippe au bas. Emmène-moi loin, le plus loin d'ici. Viens, on quitte la ville. Viens, on se tire. Viens, on se tire. Badam, badam, badam. Oh, dans le ciel, sous les éclairs, là où s'écrivent les promesses de nos mères. loin sur les eaux, loin là-haut, là-haut, tout là-haut, où les gamins se baratinent des mots d'amour. Entendu l'heure de gloire de Duel Palma Pop, de leur album qui est sorti très récemment, je crois, il y a quelques jours même, le 7 décembre, ça doit être extrêmement frais. Dans tous les cas, forcément, il y a une rubrique musique dans ce billet de sortie et on y vient. On va commencer avec La Souris Verte. La Souris Verte qui propose le jeudi 13 décembre à 20h30 Clara Luciani en concert. Alors, c'est une nouvelle vague féminine à l'avenir prometteur, un concert double entre Clara Luciani et Gisèle. Et en ce qui concerne Clara Luciani, c'est une jeune brune, voix grave et assurée, auteure-compositrice d'un premier album dont les 6 chansons perforent le cœur comme autant de flèches embrasées. Son premier EP Monstre d'amour, relié de talents, de louanges, était un indice. Clara Luciani a un don pour écrire, celui de transposer le récit personnel en une valeur universelle. Une écriture qui possède la patine des chanteuses passionnelles avec lesquelles elle a grandi. De Françoise Hardy à Lana Del Rey, en passant par Barbara, Blondie ou Nico, une envolée solo, donc après quelques années au sein du groupe La Femme, qu'elle rejoint encore de temps en temps sur scène. Gisèle, faite de la chanson pop plutôt dévergondée, c'est une femme fantastique qui déroule son flot d'idées et d'histoires délirantes au travers de sa voix chaude et ensorcelante. Les tarifs, c'est de 13€ pour le tarif complet, premier tarif réduit 10€, deuxième tarif réduit 7€, et ça s'adresse à ceux qui aiment Françoise Hardy, La Femme et Lana Del Rey. Alors rendez-vous le jeudi 13 décembre à 20h30 à La Souris Verte. Et je vous annonce, mais ça je ferai aussi un autre événement à ce sujet, samedi prochain, donc le 15 décembre à 20h30, Woodstock Revival à La Souris Verte aussi. Mais pour en savoir plus, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On va se diriger vers Nancy cette fois pour Anna Carla Mazza et Laura Perudini. Deux solistes pleines d'avenir le jeudi 13 décembre à 20h au Théâtre de la Manufacture de Nancy. Elles font du jazz vocal et du Cuba France. Alors pour faire un line-up, hein, Anna Carla Mazza fait du chant et du violoncelle et Laura Perudin est à la voix, à la harpe et aux machines. C'est une soirée spéciale en deux actes dédiée à deux jeunes femmes solistes prometteuses et dont les voix n'ont de cesse d'envoûter les publics depuis 3 ans. L'une accompagnée de son violoncelle, l'autre de sa harpe et de ses machines. Aux frontières du jazz, ces deux artistes rafraîchissent la scène actuelle par leur métissage unique. Anna réussit le pari de mêler l'héritage de son père, le pianiste Carlos Mazza, entre bossa nova brésilienne et habanera cubaine, faisant corps avec son violoncelle dont elle explore les sonorités avec virtuosité. Laura mêle avec élégance et imagination folk, jazz et musique électronique aux textures les plus oniriques. Accompagnée de sa harpe, ses machines et ses pédales, les mélodies entêtantes de la rennaise rappellent par moments la libre créativité de Björk, Yoon Suna ou Camille. Alors je disais Anna Clara Mazza ou Laura Perudin, pour ceux que ça intéresse, jeudi 13 décembre à 20h au Théâtre de la Manufacture de Nancy et les places coûtent entre 9 et 15€. Ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas eu des nouvelles du studio Microclimat et voilà qu'on a quelques petites nouvelles. Et ils ont un concert à annoncer. C'est à la fois avec un grand plaisir et beaucoup de curiosité qu'ils accueillent le batteur Thomas Delors, le guitariste Simon Martineau et le contrebassiste Georges Correa sur la scène du studio Microclimat le samedi 8 décembre prochain. Peu de batteurs assument le rôle de leader et de compositeur. Thomas Delors est parvenu à faire de son trio un groupe unique, au langage inhabituel, aux nuances inimitables et la créativité à la fois subtile et explosive. Ses compositions, ses arrangements et ses interprétations suivent un traitement similaire et identifiable dès la première note, basé sur l'exploration de son instrument qui nous paraît sans limite, le transformant en un délicat mélange de rythmicien, mélodiste, coloriste. C'est le samedi 8 décembre au studio Microclimat, 20 bis quai de Denierville, à Épinal. L'ouverture des portes se fait à 19h, le concert commence à 20h et le prix d'entrée est de 9€. Il y a d'ailleurs même la possibilité de se restaurer sur place. Le billet touche déjà malheureusement à sa fin, on va s'écouter un dernier morceau. J'avais envie de passer quelque chose d'un petit peu plus connu et d'un petit peu plus récent, bien que l'artiste qui va passer soit déjà passé de l'autre côté. Il s'agit de Heart Upon My Sleeve de Avicii et on se retrouve juste après pour la conclusion. Et c'était Avicii pour le morceau Hard Up On My Sleeve. Vous êtes toujours sur Radio Gamozo pour le billet de sortie qui, hélas, touche maintenant à sa fin. Et avant qu'on se dise au revoir pour de bon, comme d'habitude, on va faire la programmation de la soirée, mais je pense que les auditeurs sont bien rodés maintenant, en tout cas les auditeurs fidèles de l'heure des loups. Ce soir, on est vendredi, donc dès 21h, on aura l'occasion d'écouter François pour son émission Mosaïque. Puis musique jusqu'à demain matin, 7h-8h pour la première rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant. Je vous explique pour la deuxième rediffusion comment ça se passe, enfin comment ça se passe les podcasts après la deuxième rediffusion. Puis samedi 8 décembre, 8h30, les Vosges samedi avec Hélène de RCN. 10h, Musette partie avec Cyril Renaud. Puis 19h, 20h, deuxième et dernière diffusion du billet de sortie. Et pour les podcasts, voilà comment ça se passe. Elle sera sur le site internet dès vendredi soir, après la première diffusion. Et pour ceux qui n'ont pas la patience d'attendre ou qui veulent retrouver l'émission pour des informations, pour la musique, pour des interviews, vous avez l'habitude. Ça se passe alors sur notre page Facebook Radio Gamozo. Là où on le trouve tout de suite. D'ailleurs, les pages internet que je trouve, les pages Facebook que je trouve pour les personnes dont j'ai médiatisé les informations seront normalement taguées. Pour ceux que j'ai trouvés, bien sûr, ceux que je trouve pas, si vous m'écoutez, n'hésitez pas à me faire signe. Et sinon, sur notre site internet, radiogamozo.eu, rubrique émission et rediffusion, puis l'heure des loups. Aisément écoutable, aisément téléchargeable sur ordinateur, tablette, smartphone, tous les systèmes d'exploitation fonctionnent et en plus c'est sans pub, merci archive.org. Ça c'est pour la deuxième rediffusion et pour le podcast du billet de sortie. Puis toujours samedi 8 décembre à 21h, rediffusion de Rock à la Casbah, puis minuit, donc dimanche matin très tôt, rediffusion de Jukebox de jeudi soir. On arrive à dimanche, dès 7h, rediffusion de Musette Party avec Cyril Renaud, puis 10h, Salut les 60 avec Gérard. Toujours dimanche 9 décembre, pardon, l'après-midi, mais je vous le lis avec Dominique à 16h. 18h, les années bonheur avec Gilou, et enfin 22h, Jazz Time avec Radio Déclic. On se retrouvera lundi de bonne humeur. Et on va parler de quoi lundi ? J'ai complètement oublié. Si, ça y est, c'est bon, j'ai retrouvé mon agenda. Voilà, ça c'est les joies de faire plein de trucs en même temps. On retrouvera un jeune auteur, Christopher Durand, pour son premier roman en auto-édition, Histoire de mon esprit. Cette nouvelle qu'il a écrit tout seul et qu'il a décidé de publier tout seul. Alors on se donne rendez-vous lundi, 18h, et de bonne humeur. En attendant, bonne soirée et bon week-end à tous.